chanson, un tirant des larmes jusqu'au plus profond de mon âme. Pour pas briser l'instant, je retiens mon souffle un temps. Belle est ta chanson qui couvre les bois. Et qu'elle foudroie, redonnant l'espoir, la vie, le bonheur, dans la nature en fleur. Belle est ta chanson, douce mélodie, que m'a inspirée un soir de pluie, me laissant penser. Tu aimerais l'écouter. Tombant tout droit du ciel, ton refrain depuis est éternel. Comme un flot amoureux où coulent des jolies notes bleues. Elle est ta chanson qui dans nos cœurs relance du bonheur, c'est goût toujours comme un accord que l'on reprend encore et encore. Belle est ta chanson qui colorie mes rêves, belle comme l'aube qui se lève, comme la rose et les voix. Chantant la joie, belle comme l'aube qui se lève, comme la rosée des bois, chantant l'amour, chantant la joie.